Madame Wilde, version radiophonique du scénario de Claire Barré. Lue par Julie Gaillet et Xavier Gallet, et les élèves du TNS, Youssouf Abiyayad, Romain Pajard, Maud Poujoise et Rémi Fortin. Musique originale et violon, Éric Slabiak. Piano, Vincent Forestier. Enregistré en public le 18 juillet 2015 au Musée Calvet dans le cadre du Festival d'Avignon. Mars 1896, Londres, prison de Sa Majesté. Mon cher Roby, je désire que vous écriviez immédiatement une lettre à monsieur le solliciteur, exposant que puisque ma femme a promis de me léguer un tiers au cas où elle mourrait avant moi, je ne veux mettre aucune opposition à ce qu'elle achète ma part d'usufruit. J'ai attiré sur elle un tel malheur et sur mes enfants une telle ruine que je n'ai pas le droit d'aller en rien à l'encontre de ses désirs. Elle fut noble et bonne avec moi quand elle vint me voir ici. J'ai pleine confiance en elle. Je suis persuadé que j'agis comme il faut en laissant cela à ma femme. Je crois que je ne dois rien accepter d'elle en fait de revenus. Je préférais laisser ma femme tout à fait libre. Elle peut se remarier. En tout cas, je pense que si elle était libre, elle me permettrait de voir mes enfants de temps en temps. C'est cela que je désire. Mais il faut d'abord que je lui rende sa liberté, et il vaut mieux que je le fasse en gentilhomme. Quand on est depuis 18 terribles mois dans une cellule de prison, on voit les choses et les gens tels qu'ils sont réellement. Et le spectacle vous transforme en pierre. Ne pensez pas que je veuille blâmer qui que ce soit pour mes vices. Mes amis avaient aussi peu à faire avec eux que moi avec les leurs. La nature, en cette matière, fut notre marâtre à tous. Je les blâme de ne pas apprécier l'homme qu'ils ont ruiné. Tant que ma table fut rouge de vin et de rose, que leur importait mon génie, ma vie d'artiste, mon œuvre et la tranquillité qu'il me fallait pour l'accomplir n'étaient rien pour eux. J'admets que je perdis la tête. J'étais ébloui, éperdu, incapable de jugement. Je fis un pas fatal. Et maintenant ? Je suis assis sur un banc de bois dans une cellule de prison. Toujours votre ami, Oscar Wilde. Février 1892. Londres, Society for Psychical Research. Constance, belle femme de 34 ans, a les yeux fermés. La pièce dans laquelle elle se trouve est sombre et des ombres dansent sur son visage. Voix off de l'hypnotiseur. Que voyez-vous, Constance? Le visage de Constance se crispe. Ses paupières restent closes, mais se mettent à battre, prêtes à s'ouvrir. Hypnotiseur. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous pourrez ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Constance ouvre les yeux et semble retrouver ses esprits. Elle s'adresse à l'hypnotiseur avec une excitation mêlée d'appréhension. Ça a marché ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Tite Street, chambre de Constance, intérieur soir. Constance finit de se maquiller. Elle attache les boutons de nacre de sa robe sans corset. Elle attrape une enveloppe sur laquelle on peut lire « Madame Oscar Wilde ». Elle en sort un carton d'invitation pour la première de l'éventail de Lady Windermere d'Oscar Wilde. Calèche, intérieur soir. Constance, vêtue d'un manteau d'hiver, est assise aux côtés de Lady Mountemple, une septuagénaire au regard vif et bienveillant. « Et ton mari, est-ce qu'il était infidèle ?»« Est-ce qu'il y aurait des nuages dans le ciel du couple Wilde ?» C'est juste que ça fait tellement longtemps que nous n'avons pas... Combien de temps ? 6 ans. Mon Dieu, c'est bien trop long. Non mais c'est de ma faute. Mon deuxième accouchement a été compliqué. J'ai eu mal pendant des mois. Oscar a arrêté d'insister, ce qui me convient parfaitement et... mais m'inquiète aussi. Mais aucun homme normalement constitué ne peut tenir 6 ans sans intimité, à moins d'être un saint. Oscar est brillant, séduisant, parfait à bien des égards, mais je crains qu'il n'ait rien d'un saint. Il vient de s'installer à l'hôtel. Il dit que c'est plus pratique avec sa pièce qui va commencer, les répétitions, les interviews. Mais je ne sais pas. Je sens qu'il y a une femme derrière tout ça. Théâtre du Haymarket, loge privée, intérieur soir. Constance est assise à côté de son amie, Lady Mountemple. Une journaliste, l'air pincé, portant une jupe fendue, se tient face à elle et finit de prendre des notes pour le Woman's World. Journaliste. Je dois vous avouer que vous êtes un exemple pour nous toutes. Votre prise de position contre le corset aide à la libération du corps des femmes. Vous êtes un modèle. Oh oui, un modèle. Mais non. Mais si ! Bon spectacle, Madame Wilde, et encore merci. Les lumières s'éteignent. Sur scène, gros plan sur le visage d'une actrice. Derrière elle, on devine une partie de décor d'inspiration Art Nouveau. Voix de l'actrice. Le monde est le même pour tous. Le bien et le mal, la faute et l'innocence vont de pair. Fermez les yeux pour ne pas voir l'autre moitié de la vie, pour vivre en sécurité, cette avancée en aveugle sur une terre pleine de précipices. Des applaudissements éclatent alors que le rideau rouge se referme. Constance applaudit elle aussi. Elle se tourne vers son amie attendant son verdict. Charmant. Constance sourit, rassurée. Une rumeur se fait entendre dans le public. L'auteur, l'auteur, l'auteur. Oscar Wilde, extrêmement élégant, un œillet vert à la boutonnière, cigarette à la main, monte sur scène, sûr de lui. De sa main gantée de mauve, il tire une bouffée de sa cigarette, puis s'adresse au public. Mesdames et messieurs, il n'est peut-être pas très convenable de fumer devant vous, mais... il n'est pas très convenable non plus de me déranger quand je fume. Rire dans le public, accompagné de quelques soupirs de désapprobation. Plus tard, Constance et Lady Mountemple se frayent un passage dans le couloir qui mène aux loges des comédiens. Constance aperçoit Oscar entouré d'une cour de jeunes hommes dont certains portent aussi des œillets verts à la boutonnière. Elle fait un signe à Oscar qui la salue de loin. Robert, dit Robert Ross, jeune homme fringant qui porte lui aussi le fameux œillet vert, s'approche de Constance et la prend par la taille. Constance chérie, tu es sublime. Constance touche l'œillet vert de Robbie du doigt. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle extravagance, Robbie ? Un signe de reconnaissance entre hommes de goût. Constance prend l'œillet de Robbie et le plante dans la dentelle de son col. Robbie éclate de rire. Oscar les rejoint. Constance ! C'était merveilleux, Oscar. Bravo. Oscar aperçoit l'œillet sur sa femme. Il lance un regard irrité à Robbie avant d'arracher la fleur un peu trop brusquement, abîmant au passage la fragile dentelle. Mais... désolé, c'est juste que... il glisse l'œillet dans les cheveux de sa femme. Voilà. C'est plus joli comme ça, non ? Est-ce que tu vas passer nous voir bientôt ? Promis. Tu manques aux enfants et à moi. L'actrice qu'on a vue sur la scène arrive, vêtue d'une sublime robe écarlate. Elle attrape le bras d'Oscar et l'entraîne. Constance les regarde s'éloigner. Est-ce qu'il couche avec elle ? Je ne pense pas, non. Avec une autre, alors ? Constance, Je suis à peu près sûr qu'Oscar ne te trompe avec aucune femme. Elle lui sourit, à moitié rassurée. Tite Street, chambre des enfants, intérieur jour. Constance éclate de rire en voyant Oscar faire le fou avec leurs deux fils, Cyril, 7 ans, et Viviane, 6 ans. Oscar, imitant un ours, les prend sur son dos, se roule par terre. Un enfant accroché à chaque jambe, il marche vers sa femme et lui fait une révérence. « Nous accorderez-vous cette danse, Madame Wilde ?»« Monsieur ?» Les deux enfants accrochés aux jambes de leur père rient, les visages levés vers leurs parents qui tournoient dans une sorte de valse folle. Salon, intérieur jour. Oh, ça me fait du bien de te voir. Avec toi, je n'ai pas besoin d'être Oscar Wilde. Je peux juste être Oscar. Ce terne et ennuyeux Oscar. Je dois dire que je suis folle amoureuse de ce terne et ennuyeux Oscar. Est-ce que tu voudrais venir à la maison ce soir ? Avec plaisir. Le butler des Wilde frappe discrètement à la porte. Un visiteur pour vous, monsieur. Oscar baise la main de sa femme et quitte la pièce. Deux voix masculines, celle d'Oscar et celle d'un jeune homme, s'élèvent dans le couloir. Constance se lève et s'approche intriguée. Depuis la porte du salon, elle voit son mari parler avec Lord Alfred Douglas, dit Bozzy. Un jeune homme extrêmement beau et élégant. Quelques mots lui parviennent. Chantage, scandale. Mais les deux hommes s'arrêtent de parler quand ils l'aperçoivent. Constance, laisse-moi te présenter un jeune poète très prometteur. Lord Alfred Douglas. Mais s'il vous plaît, appelez-moi Bozzy. Oscar n'a pas menti. Vous êtes une beauté. Et puis j'ajoutais que vous avez un goût parfait en matière d'homme. Votre mari est exquis. Constance n'a pas le temps de répondre qu'Oscar attrape déjà son chapeau et son manteau. Ma chérie, je ne vais pas pouvoir rentrer dîner, finalement. À bientôt! Salon de la Society for Psychical Research, intérieur jour. Constance, face à une assemblée, parle tout en jouant avec la chaîne d'un médaillon sur lequel est gravé un portrait de ses fils. Ce qui définit l'être humain, ce qui fait sa valeur, c'est son âme. Arthur Humphreys, un jeune homme de 27 ans, à l'allure plus intellectuelle que Dandy, portant une fine moustache, regarde Constance charmée. Le corps n'est qu'une écorce, une enveloppe animale, imparfaite. Mais délicieuse. C'est notre corps qui nous relie au monde, non ? Qui nous permet de voir, goûter, toucher. Oui, bien sûr, mais... Je ne remets pas en cause votre vision de l'âme. Il me semble juste que l'on devrait chérir son corps avec cette même intensité, car cette enveloppe imparfaite est peut-être le vrai cadeau que Dieu a fait à l'humanité. L'assemblée rit, ce qui met Constance mal à l'aise. Arthur le remarque, il paraît le regretter. Devant la Society for Psychical Research, Lady Mountemple attend Constance sur le pas de la porte. Constance s'apprête à la rejoindre lorsqu'elle est arrêtée par Arthur. Excusez-moi, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise tout à l'heure. Arthur Humphreys, éditeur chez Hatchards, est grand admirateur de votre mari. Le portrait de Dorian Gray est l'un de mes livres de chevet. Nous allons être amis alors. Je l'espère. Constance rejoint son amie Lady Mountemple. Arthur les regarde s'éloigner. Constance et quelques femmes, dont Letty Mountemple, sont assises en cercle. Une couturière française leur montre un costume de bain dernier cri. La couturière, c'est un symbole de modernité. Les jambes et les bras sont nus, ce qui permet aux femmes de se tremper plus librement dans la mer. Madame Wilde, votre époux est un avant-gardiste. Vous pensez qu'il vous laisserait porter ce merveilleux symbole de féminisme? Je suis sûre qu'il m'encouragerait à le mettre, oui, mais je ne sais pas. On doit se sentir tout à fait nu, non? Peut-être que cet indécent costume de bain pourrait aider tes affaires. Je le prends. Cromer Plage, extérieur jour. Constance et Oscar marchent au bord de la mer. Elle finit de lire à son mari une lettre de leurs enfants. Et surtout, tu diras à papa que j'ai pris 3 cm et que bientôt c'est moi qui pourrai le porter sur mes épaules. Oscar prend son bras. Un peu plus tard, il croise Arthur Humphreys, le jeune éditeur vu au Psychical Research. Il joue au cerf-volant et leur fait un signe de la main. Arthur ! Bonjour ! Vous vous connaissez ? Bien sûr, oui. Bonjour Constance. Je supplie Oscar depuis des années de me laisser publier ses textes. J'espère arriver un jour à mes fins. Au loin, on entend la voix de la femme d'Arthur. Arthur, à table ! Le devoir m'appelle, désolé. Mais Oscar, je ne compte pas vous laisser en paix tant que vous n'aurez pas signé chez moi. Maison Cromer, salle à manger, intérieur soir. Est-ce que tu voudrais venir dans ma chambre tout à l'heure ? À vrai dire, je ne pensais pas que ces choses-là t'intéressaient. Si, bien sûr qu'elles m'intéressent. Même si j'ai sans doute la même vision de l'amour que Michel-Ange, c'est un esprit qui s'éprend d'un autre esprit. Mais je pensais peut-être que toi... Si tu veux que je vienne, avec plaisir, je viendrai. Non. Non, vraiment. Non. Comme tu préfères. Oscar se lève et l'embrasse sur le front. Oscar quitte la pièce. Chambre Constance, intérieur jour, le lendemain matin. Constance finit de boutonner son costume de bain, puis s'observe dans le miroir, gênée. Elle enfile rapidement un kimono et descend les escaliers. Constance entend alors des voix provenant du bureau d'Oscar. Elle pousse la porte et aperçoit Bozy, assis sur le rebord du fauteuil où est installé Oscar. Le jeune homme a la main posée tout en haut de la cuisse d'Oscar, dans un geste langoureux. Les deux hommes regardent des photos. À la vue de Constance, Oscar cache les photos dans un tiroir du bureau, alors que Bozy se lève brusquement et va se planter devant la fenêtre. Nous avons un invité inattendu. Tu te souviens de Bozy ? Désolé de m'imposer. Non, non, je vous en prie, soyez le bienvenu. Tu nous accompagnes à la plage ? Non, merci, merci. Les deux hommes quittent le bureau. Constance les regarde s'éloigner vers la plage. Ils marchent côte à côte, se frôlant de temps en temps. Oscar se retourne vers elle, lui fait un signe de la main. Elle lui répond, mécaniquement, sans sentiment apparent. Constance se dirige vers le bureau et ouvre le tiroir. À côté d'un pistolet et de babioles diverses, Constance aperçoit les photos. Elle s'en saisit et découvre des portraits de jeunes hommes plus ou moins dénudés dans des poses suggestives. Elle lâche les photos qui s'éparpillent sur le sol et reste un instant sidérée. Puis elle ramasse les photos et les remet dans le tiroir. Dans sa chambre, Constance, des plaques rouges sur le cou et les joues, enlève son costume de bain. Fouille dans sa malle, en sort un corset qu'elle passe autour de sa taille et serre les lacets. Salle à manger, intérieur soir. Oscar, Bozy et Constance dînent ensemble. Les deux hommes rient. Constance, immobile et muette, guette leurs gestes. Oscar s'adresse à elle, mais elle ne l'entend pas. Comment ? Nous avons encore croisé Arthur sur la plage, l'éditeur. Il m'a posé 1000 questions sur mes projets d'écriture. Je me demande s'il n'est pas venu à Cromer uniquement pour me harceler. Et pourquoi, diable, portes-tu un corset ? J'ai mal au dos. Je suis absolument contre ces instruments de torture qui déforment les corps des femmes et les enserrent dans une prison insupportable. Je vais me coucher, excusez-moi. Elle quitte la table. Oscar lui caresse la main au passage, mais Constance la retire et s'éloigne. Les deux hommes échangent un bref regard. Bosie secoue la tête, l'air de dire à Oscar de ne pas s'en faire. Maison Cromer, véranda, extérieur jour. Constance, un ouvrage de broderie sur les genoux, observe Bosie. Il fume, affalé sur une balancelle. Le jeune homme se redresse tout à coup, agacé. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Il travaille. Oscar ! Vous devez le laisser écrire, Bosie. Il ne fait rien depuis que vous êtes arrivé. Oh si, il fait des choses. Constance baisse les yeux sur son ouvrage, faisant comme si elle n'avait pas entendu. Bosie écrase sa cigarette dans un pot de fleurs et se lève. Vous ne trouvez pas que c'est impoli d'inviter les gens et de les laisser s'ennuyer à mourir ? C'est lui qui vous a invité ? Oscar ! Bosie entre dans la maison, Constance pose son ouvrage et le suit jusqu'à la porte du bureau d'Oscar. Ce dernier les regarde ennuyé. Écoute Oscar, je pense que ton ami devrait partir. Vous passez vos journées au golf et vos soirées à boire. Je croyais que tu étais venu ici pour finir ta pièce. Oscar, est-ce que tu veux que je parte ? Non, bien sûr que non. Je n'ai rien contre un peu de compagnie. Tu veux qu'il reste, c'est ça ? Oui. Très bien. Je comprends. Très bien. Chambre Constance, intérieur soir. Assise à son bureau, Constance écrit une lettre. Ma très chère amie, tu es la seule à qui je peux m'adresser. Je crois qu'Oscar est peut-être... Elle s'arrête, froisse la lettre, prend une autre feuille. Ma très chère amie, je t'écris des ténèbres dans lesquelles je suis plongée. Vois-tu, je crains fort que mon mari... Elle raye, écrit. Mon mari n'est des penchants pour... Constance froisse cette seconde lettre. Elle dépose les deux lettres dans une coupelle et les fait brûler avec la flamme d'une bougie. En pleine nuit, Constance se réveille en sursaut. Elle se dirige vers la porte entrouverte de la chambre d'Oscar. Oscar ? Le lit est vide. Elle s'avance dans le couloir et aperçoit une lumière venant du rez-de-chaussée. Constance descend les escaliers. Des gémissements étouffés semblent venir du bureau. Elle avance sur la pointe des pieds, hésite, puis regarde à travers la serrure. Alors qu'elle observe la scène qui se déroule dans le bureau, sa bouche s'entrouvre, mais c'est sa seule réaction visible. Constance marche dans les collines. Des ronces s'accrochent à sa robe. Elle tient à la main le portrait de Dorian Gray, qu'elle lit tout en marchant. Oui, sans conteste, il était beau. Merveilleusement beau, avec ses lèvres arquées, ses yeux bleus si francs, sa chevelure aux boucles dorées. Plongée dans sa lecture, Constance trébuche contre un caillou. Le roman tombe par terre à ses pieds. Immobile, Constance regarde la mer. Tout autour semble désert. Elle relève sa robe et commence à avancer dans la mer. Elle a de l'eau jusqu'au mollet. Elle se met à pleurer comme une enfant. Elle s'avance encore, dans les vagues. Soudain, elle n'a plus pied. Elle est sous l'eau. Le visage résigné, son médaillon sort de sa robe et Constance se retrouve face au portrait de ses fils. Cette vision la fait réagir. Elle tente de nager mais panique et semble se noyer. Une voix d'homme parvient à ses oreilles. Constance ! Des bras surgissent et l'attrapent. Constance est assise sur le sable, dans les bras d'Arthur, incapable de reprendre son souffle. Il déboutonne sa robe et tente de desserrer les lacets de son corset. Il y parvient enfin, découvrant malgré lui la poitrine nue de Constance, qu'il frôle. Troublé, il referme la robe rapidement et la serre contre lui. Ça va, allez. Salon Arthur. Constance, enveloppée d'une couverture, boit un thé chaud. Sans ma ridicule habitude de faire du cerf-volant, je ne vous aurais jamais vu. Merci encore, monsieur Humphreys. Quand un homme sauve la vie d'une femme, la moindre des choses qu'elle puisse faire en retour est de l'appeler par son prénom. Merci, Arthur. Avez-vous le droit de me dire sur quoi travaille votre mari? Ou est-ce un secret d'État? Il écrit une nouvelle pièce. Elle sourit de l'ironie du titre. Qui s'appelle Une femme sans importance. Chambre Constance, intérieur soir. Constance est allongée. Oscar est assis à son chevet. Tu dois faire attention à toi. Tu es ma cathédrale. Mon seul abri. Je ne supporterai pas de te perdre. Je vais partir. Lady Mountemple me propose de la rejoindre à Babacombe. Si tu veux qu'on parle, Constance... Non. Je peux tout te dire. Oscar, s'il te plaît, il n'y a rien à dire. Absolument rien. Comme tu veux. Il quitte la chambre. Constance reste allongée, les yeux fixés au plafond. Calèche, intérieur jour. Constance est installée dans une calèche. Oscar l'embrasse sur le front. Elle sourit, vaguement, sans un mot. À travers la fenêtre, elle regarde Oscar rejoindre Bosie. Le jeune homme attrape le bras d'Oscar dans un geste de propriétaire. Elle tire les rideaux alors que la calèche se met en route. Londres, Tite Street, salon. Constance a les traits tirés et les yeux fermés. Ses doigts sont enlacés à ceux d'Arthur. Ils sont assis avec quatre femmes autour d'une table ronde. Les rideaux sont tirés et ils se tiennent tous la main. La voyante, une femme très maquillée à l'allure pré-raphaélite, se met à parler d'une voix vibrante. « Esprit, si tu es là, fais-nous signe. » Constance ferme ses yeux encore plus fort, impressionnée. Arthur, d'un doigt, se met à lui caresser la main. Elle sursaute et cherche à retirer sa main. Mais Arthur continue à la caresser. La respiration de Constance se fait plus rapide. La voyante donne discrètement des coups de genoux sous la table qui se met à tanguer. Constance pousse un cri, se lève et en profite pour s'éloigner d'Arthur. Sur le perron, les invités quittent la maison. En partant, Arthur cherche à attraper la main de Constance pour la baiser. Elle la retire vivement. Elle referme la porte, soulagée, mais ne peut s'empêcher de le regarder à travers la fenêtre. Elle soupire et pose sa tête contre le mur. Soudain, on frappe à la porte. Je crains d'avoir oublié mon chapeau. Il la prend brusquement dans ses bras. Arthur, je suis mariée. Vraiment? Est-ce qu'Oscar est réellement votre mari? Partez. Pardonnez-moi, c'est juste que... il y a certaines rumeurs et... Quelles rumeurs? Je m'inquiète pour vous, Constance. Vous semblez triste, épuisée. Laissez-moi. Où est passée la jeune femme passionnée qui voulait affronter la sauvagerie de la mer? Je ne sais pas. Elle s'est peut-être noyée. Elle ne s'est pas noyée. Je peux la voir. La toucher. Arthur, partez, s'il vous plaît. Laissez-moi au moins être votre ami. Je ne peux souffrir de vous voir dépérir comme ça. Londres, salon rose, intérieur jour. Dans le salon d'une maison ouvrière, Constance et Lady Mountemple posent un panier rempli de nourriture sur la table de Rose, une jeune prostituée pulpeuse aux cheveux teints en roux et en petite tenue. Rose, on peut dire que vous êtes plus généreuse que vos maris. Ils ne donnent rien pour rien et quand ils vous filent un cadeau, c'est la syphilis. Elle éclate de rire sous l'œil choqué de Constance et l'air amusé de Lady Mountemple. Plus tard, Constance et Lady Mountemple sortent de la maison de Rose. Non mais quelle atroce femme. Ne la juge pas, ma chère. Rose est une gentille fille, tu ne sais rien de sa vie. Tu as raison. Non, c'est moi qui suis atroce. Mais non, tu es jeune, c'est tout. Oscar t'accompagne ce soir? Je crains que non. Est-ce qu'ils traînent toujours avec cet affreux petit marquis? Oui, je crois qu'ils écrivent une pièce ensemble. Une pièce? Oh, tu sais, cet Alfred Douglas a une terrible réputation. Il est horriblement froid, non? Salle à manger de Lady Mountemple, intérieur soir. Un pasteur, au teint rougeau, un verre de vin à la main, est assis à table et parle, très sûr de lui. L'assemblée semble d'accord avec lui. Constance a la tête baissée. Lady Mountemple ne la quitte pas des yeux. C'est une véritable disgrâce. Les journaux regorgent de scandales éclaboussant des gentlemen, issus des meilleures familles, qui frayent avec des prostituées mâles des bas-fonds. Je suis heureux que ces hommes, si on peut encore les appeler des hommes, pourrissent en prison. Mais les travaux forcés sont une épreuve trop douce. Moi, je les ferais pendre si j'en avais le pouvoir. Non ! Ces hommes-là sont plus malades que criminels, à mon sens. Ce sont des âmes en peine. Il faudrait les soigner, pas les punir. On ne peut pas les soigner. Les sodomites idolâtrent leurs péchés. Ils se vautrent dans le vice, comme les cochons se roulent dans la boue et entraînent avec eux des âmes pures et influençables. Heureusement, si la justice des hommes est charitable, celle de Dieu est terrible. Et ils ne manqueront pas de brûler dans les flammes de l'enfer. Constance garde la tête baissée. Le tonnerre gronde. Un éclair illumine la pièce et le regard de Constance croise celui d'une photographie d'Oscar posée sur la table de nuit. La lumière de l'éclair donne une lueur inquiétante à son regard. Elle tourne le cadre face contre terre, se lève et quitte la pièce. Constance entre dans la chambre des enfants. Ses fils dorment. Elle se glisse entre eux. Bureau d'Oscar intérieur jour. Constance, les bras croisés, se tient à côté de Robbie, qui récupère quelques lettres et manuscrits sur le bureau d'Oscar. Oscar ne peut pas venir récupérer lui-même ses affaires. Qu'est-ce que tu es ? Son secrétaire ? Je comprends que tu sois en colère, Constance, mais je suis ton ami. Ne t'en prends pas à moi. Mon ami ? Vraiment, Robbie ? Elle attrape l'œillet vert séché posé sur le bureau. Je sais ce que signifie cette fleur. Des hommes de goût. C'était une manière de dire les choses. Et est-ce que Oscar a accueilli l'œillet vert avec toi aussi ? Était-ce pendant que tu vivais chez nous, après la naissance de Viviane ? Mais tu étais si jeune. Mon mari est-il un monstre pour pervertir ainsi d'innocents jeunes hommes ? C'est moi qui l'ai séduit. Et j'étais son premier amant, si tu veux tout savoir. Mais est-ce qu'on peut guérir de cette défiance ? Je crains que ça n'ait rien d'une maladie. C'est, à mon sens, une chose aussi peu choisie et naturelle que de naître avec des yeux noirs ou des yeux verts. Naturelle ? Non, je ne pense pas qu'une chose puisse être plus contre nature. En es-tu si sûr ? Je suis à peu près certain que mon chien est un inverti. Ton chien ? Robbie sourit, mais son sourire s'efface devant le regard perdu de Constance. Il range les papiers dans une mallette, puis tend un livre à Constance. Au fait, Oscar voulait que tu aies ceci. Constance prend le livre. Salomé d'Oscar Wilde. Elle ouvre la première page, lit le début de la dédicace de son mari. « Ma chère Constance, elle referme le livre et le pose brutalement sur le bureau. Pourquoi m'a-t-il épousée s'il est incapable de m'aimer ?»« C'est à Oscar que tu devrais parler, Constance. » Rue de Londres, extérieur soir. Debout sur un trottoir, Constance, figée, regarde à travers la vitre d'un café. Oscar et Bosie boivent du champagne tout en se caressant sans aucune discrétion. Certains regards sévères sont tournés vers eux, leur attitude choque. Le marquis de Queensbury, un petit homme d'une soixantaine d'années, vient se planter à côté de Constance. Si c'est pas une honte. Constance sursaute. Je sais qui vous êtes, Madame Wilde. J'ai vu votre portrait dans tous ces foutus magazines à la mode. Vous ne devriez pas laisser votre mari salir votre réputation et celle de mon fils, cette nuque efféminée qui mériterait que je le fouette au sang. Un scandale risque d'éclater. Vous feriez mieux de divorcer vite fait, si vous ne voulez pas qu'il vous éclabousse. Vous aussi. Il la regarde, un rictus à la bouche, puis enlève son chapeau pour la saluer et s'éloigne en sifflotant. Constance s'assoit sur le trottoir mouillé, les bottines enfoncées dans une flaque de boue. « Tite Street, chambre Constance, intérieur jour. Constance trie des vêtements et remplit un panier. Elle y dépose des robes très élégantes, des étoles de soie, des chapeaux. Je ne sais pas si Rose aura l'occasion de mettre ses robes. Ses clients la préfèrent sans doute déshabillée. Elle pourra toujours les vendre. Quand pars-tu ? Demain. Tu sais, personne ne te blâmera si tu divorces, bien au contraire. Imaginez ma vie sans Oscar est tout simplement tragique. Je ne peux pas m'empêcher d'espérer qu'il retrouvera ses esprits. Constance tombe sur la robe qu'elle portait le soir de la première de l'éventail de Lady Windermere. Elle passe le doigt autour du petit trou dans la dentelle, percé par l'œillet vert. Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être raccommodées, Constance. Constance hésite, puis remet la robe dans le panier. Lady Mountemple prend le panier et se lève. Mais Constance récupère la robe abîmée dans un geste impulsif. Non, attends, pas celle-ci. Ferry, extérieur jour. Constance, ses fils et Charlotte, leur gouvernante, sont sur le pont du ferry. Ils regardent s'éloigner les côtes anglaises, minuscules dans le lointain. Naples, extérieur jour. Constance se promène dans les ruelles désertes du vieux Naples. Elle passe devant une affiche de théâtre. Il vend Talio di Lady Windermere d'Oscar Wilde. Elle s'immobilise. Hôtel napolitain, chambre intérieure nuit. Allongée sur son lit, Constance ouvre Salomé. Elle lit la dédicace. Ma chère Constance, j'espère que cette pièce saura toucher ton cœur, ton Oscar. Constance a les larmes aux yeux. Elle lit les dernières pages de Salomé. Cyril, en pyjama, se tient dans l'embrasure de la porte. C'est encore papa qui te fait pleurer ? Non, Cyril. Enfin, oui. Viens. C'est l'histoire d'une princesse amoureuse d'un homme qui ne peut pas l'aimer. Elle lui dit « Si tu m'avais regardé, tu m'aurais aimé. Je suis sûre que tu m'aurais aimé. » Et le mystère de l'amour est plus grand que le mystère de la mort. Il ne faut regarder que l'amour. Elle fond en larmes, son fils l'enlace. Londres, Tite Street, extérieur jour. Les arbres ont verdi autour de la maison de Tite Street. C'est le printemps. Constance sort d'une calèche avec ses enfants. Ils sont heureux de rentrer chez eux après leur séjour en Italie. Rue de Rose, extérieur jour. Constance, un chapeau cachant son visage, marche rapidement, tête baissée. Voix off de Constance. Mon cher Oscar, j'ai adoré ta pièce. S'il te plaît, passe me voir. Tu me manques plus que je ne pourrais le dire. Elle s'arrête devant la maison de Rose, la prostituée, frappe à sa porte. Rose ouvre, surprise de la voir. Ah bah si c'est vos robes que vous voulez, je les ai plus. Non, non. C'est juste que... Quoi ? Je me demandais si vous pouviez m'aider. À quoi ? C'est-à-dire que vous êtes sans doute une experte dans tout ce qui touche au plaisir... Et je pensais... Alors, comme ça, vous voulez que je vous révèle mes petits secrets. Alors, par quoi voulez-vous commencer ? Chambre, intérieur nuit. Constance, les cheveux coiffés d'un chignon plus sauvage que d'habitude, finit d'attacher les crochets d'un bustier très sexy. Elle se rougit les lèvres avec un pinceau, puis se dévisage, comme si elle regardait une inconnue. Elle jette un coup d'œil à l'horloge. Il est 23 heures. Chambre... Intérieur aube. La bougie s'est entièrement consumée. Constance s'est endormie. Un bruit de porte qui grince la réveille en sursaut. Elle regarde l'heure. Il est 5h30. Elle sort de sa chambre et aperçoit Oscar, dans le couloir, une bouteille de champagne à la main, ivre. Je comptais me glisser dans mon lit et te surprendre demain matin au petit déjeuner. Viens. Ils vont censurer ma pièce, tu sais. Salomé ? Pas de personnage biblique sur scène. Je suis désolée, mon chéri. Est-ce que tu voudrais que je te console ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es folle ? Relève-toi. Mais pourquoi ? Mais tu crois vraiment que c'est ça que j'attends de toi ? Mais qu'est-ce que tu attends alors ? Relève-toi, Constance, s'il te plaît ! Ne sois pas ridicule. Ridicule, mais pourquoi ? Parce que c'est moi et pas Bosy à genoux devant toi ? Je pensais que tu n'aborderais jamais le sujet. Tu ne crois pas que c'était à toi de l'aborder ? Pour te dire quoi ? Que je suis désolée de te faire souffrir, c'est le cas. Ça me déchire le cœur, si tu veux tout savoir. Reviens alors. Je suis prête à tout oublier, à tout pardonner. Pauvre Constance. Est-ce que tu sais seulement ce que c'est que le désir ? Ce feu sacré qui t'illumine et te caresse de l'intérieur. Là, prends un amant. Constance, peut-être qu'alors tu comprendras ce qui me lie à Bosy. Elle le gifle et semble le regretter aussitôt. Tu sais pourquoi je t'évite depuis des mois ? Parce que je ne supporte pas tes airs de martyre chrétienne et tes regards pleins de vertueux reproches. Je ne vais pas m'excuser d'être qui je suis. Et je ne veux pas que tu me pardonnes. Parce qu'à mes yeux, je n'ai commis aucun péché. Je vis selon mon cœur, selon les appétits de mon corps. Tu ne portes pas de corset, mais ta chair est enfermée dans un carcan invisible dont le cadenas est entre les mains de cette société bien pensante. Arrête, Oscar. La bonne société est une garce hypocrite. La plupart des puissants et des censeurs se vautrent dans la luxure. Leur seule habileté est de ne pas se faire prendre. Mais moi, je n'aime pas la prudence. Je veux marcher en plein soleil, quitte à me brûler les ailes. Je ne me contente pas d'exister. Je vis, Constance. Tu devrais essayer. Prends un amant. Le lendemain, alors que ses fils jouent et font les fous, Constance lit une lettre d'Oscar. J'étais saoul et désespéré. Ah, tu peux pas savoir comme je regrette la dureté de mes paroles. Je t'aime, je te respecte et... Elle plie la lettre. Donc calmez-vous les enfants. Il continue à courir et crier de plus belle. Ça suffit ! Ses fils se calment immédiatement et la regardent surpris. Allez vous coucher. Parc, extérieur jour. Constance et Arthur marchent côte à côte dans une allée déserte. J'avoue que votre invitation m'a surpris. Vous avez dit vouloir être mon ami, non ? Je crois bien que je ne me suis jamais sentie aussi seule. Comme je ne vous voyais plus à la Society for Psychical Research, je pensais que vous m'évitiez. Je n'y suis plus invitée. Je crains que les frasques de mon mari ne m'excluent peu à peu de la bonne société. La bonne société. Serait donc stupide. Quelle surprise. Librairie Hatchard's, intérieur soir. Constance et Arthur prennent le thé. Ils sont entourés de rayonnages de livres. À 20 ans, je rêvais de devenir écrivain. J'ai écrit quelques vers absolument insipides que je me suis empressé de brûler. Conscient que je n'avais pas le feu sacré, j'ai décidé de devenir éditeur. J'ai toujours eu une passion religieuse pour les livres. Mais j'ai une autre passion secrète. Venez. Il déverrouille une petite porte donnant sur une remise. Au milieu de piles de livres, une grande table sur laquelle sont posés des tissus, des morceaux de bois et un cerf-volant en cours de fabrication. Je ne savais pas que vous les fabriquiez. Constance s'approche d'un tas de cerfs-volants ornés de peintures de tigres, dragons, papillons. Arthur se place derrière elle. Et donc, vous ne vous doutiez vraiment de rien ? Concernant Oscar, je veux dire. Pourtant, il me semble que ça transparaît assez clairement dans ses écrits. Je prenais ça pour de la poésie. Je ne sais pas. Il faut croire que je suis complètement idiote. Vous n'êtes pas idiote, Constance. Innocente, tout au plus. Il soulève ses cheveux et pose un baiser sur sa nuque. Elle ferme les yeux. On dit que les Indiens d'Amérique n'ont pas vu les bateaux de Christophe Colomb arriver, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas que de tels bateaux existaient. Leurs cerveaux n'ont pas su décrypter l'information que leurs yeux leur envoyaient. Tight, street, chambre Constance, intérieur nuit. Constance est étendue sur le lit, un bruit dans le couloir la fait sursauter. Oscar se tire la tête, son front saigne. J'ai quitté Bosie. Il me fait sans cesse des scènes. Ah, il m'épuise. Il est odieux. Si tu savais. Odieux. Ah, j'ai supplié sa mère de l'envoyer en Égypte. Est-ce que tu me permets de rentrer à la maison? Comment peux-tu même me poser la question? Bureau d'Oscar, intérieur jour. Assis à son bureau, Oscar écrit feuillet sur feuillet. Constance entre et lui apporte une tasse de thé. Il lui attrape la main, l'embrasse, puis se remet au travail. Elle reste un instant immobile, puis lui tend une enveloppe venue d'Égypte. Oscar regarde à peine Constance et range la lettre dans un tiroir de son bureau où s'accumulent d'autres lettres de Bosie, non décachetées. Babacombe extérieur jour. Constance sort d'une calèche devant Babacombe, la maison de la campagne de Lady Mountemple, son amie. Alors, qu'est-ce qu'il te veut, cet affreux petit marquis? Il est désespéré. Oscar ne répond à aucune de ses lettres. Et il ose te demander à toi d'intervenir en sa faveur. Il ne manque pas de culot. Je sais, mais sa lettre semble si sincère. Il souffre et menace de se suicider. Je pense prier Oscar de faire la paix avec lui. Il pourrait, je ne sais pas, devenir ami. Proposer à ton mari de revoir son jeune amant me semble aussi idiot que dangereux. Es-tu sûr qu'Oscar est réellement guéri? Mais ce n'est pas une maladie. C'est une sensibilité particulière de l'âme. Il me semble que c'est aussi peu choisi et naturel que de naître avec des yeux noirs ou verts. Que tu endures est une chose. Que tu pardonnes passe encore, mais personne ne te demande de les défendre. Babacombe, forêt, extérieur jour. Dans une forêt qui donne à pic sur la mer, Constance lit une lettre d'Oscar. Ma chère Constance, je m'en veux de te briser une nouvelle fois le cœur, mais après avoir lu ta lettre, j'ai décidé de rejoindre Bosie. Mais il a terriblement besoin de moi et... Les pages de la lettre lui échappent des mains et sont emportées par le vent. Londres, Tite Street. Constance rentre chez elle. Son butler l'interpelle. Madame Wilde? Oui? Certains commerçants refusent de continuer à vous faire crédit. Ah, je suis désolée. Elle lui tend quelques billets. Je ne suis pas sûre que cela suffise. Vous devriez peut-être en toucher un mot à votre mari. Oui, mais il n'est pas rentré de voyage. Si, il est rentré de voyage. Il est passé l'autre jour. Il m'a donné son adresse pour que je puisse lui faire porter son courrier. Ah, très bien. Londres, hôtel Albemarle, intérieur jour. Constance avance dans le couloir de l'hôtel, suivie par le concierge affolé. Concierge, non, je ne peux en aucun cas vous laisser entrer. Constance ne l'écoute pas et s'arrête devant une porte. Le concierge tente de la retenir. Madame Wilde, non, attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi passer. Il hésite, mais finit par s'écarter. Elle appuie sur la poignée et entre. La grande pièce est sombre. Tous les rideaux sont tirés et une seule lumière tamisée permet d'apercevoir les silhouettes. Face à elle, allongés sur un canapé rouge, de jeunes hommes à moitié nus s'embrassent, enlacés. Constance avance. Des bouteilles de champagne vides traînent sur le sol. Elle presse le pas. D'autres hommes peuplent la chambre, dont Robbie, qui salue Constance d'un air gêné. Des gémissements étouffés résonnent dans le lieu. Elle aperçoit enfin Oscar, tel un roi oriental, reposant sur des coussins de soie. Bozzy, à moitié nu allongé sur lui, inhale la fumée d'une pipe d'opium et l'attend à Oscar, qui inhale à son tour. Constance ! Que me vaut ce plaisir ? Quand comptes-tu repasser à la maison ? Je dois te parler de choses urgentes. La maison ? Quelle maison ? Ah, je crains d'avoir totalement oublié mon adresse, moi. Ma femme ! Et comme un homme brillant l'a déclaré, on devrait toujours être amoureux, c'est pourquoi on ne devrait jamais se marier. Robbie s'approche de Constance, consternée par l'attitude d'Oscar, et la prend par le bras. Viens, Constance. Je te raccompagne. Des gémissements sortent de la salle de bain. Mais ne va pas te faire des idées, ma chère. Il boxe, hein, c'est tout, n'est-ce pas, Bozzy ? Oui, oui, il boxe. Hé, ne dit-on pas que le sport, c'est la santé ? Viens. Ne me touche pas, Robbie. Mais est-ce que tu me détestes assez maintenant ? Quoi ? Et j'ai épousé une sainte ! Mais combien de fois dois-je te cracher au visage avant que tu divorces ? C'est ça que tu cherches. Elle regarde Oscar, qui semble aussi désespéré qu'elle. Cabinet d'avocat intérieur jour. Un avocat d'une cinquantaine d'années reçoit Constance dans son bureau. Lady Mountemple est à côté d'elle. Avocat, vous comprenez, n'est-ce pas, que si vous lancez une procédure de divorce, particulièrement s'il y a eu tromperie, une enquête sera ouverte. Certaines choses risquent de devenir publiques. Ah non, c'est impossible. Arrête de le protéger, Constance. Est-ce qu'il te protège, lui ? Pense à toi, pour une fois, à tes fils. Non. Oscar est un homme brillant, un génie. Je ne serai pas celle qui détruira sa vie. Constance. Non ! Librairie Hatchard. Constance marche d'un pas pressé vers la librairie d'Arthur. Elle le regarde à travers la vitre, puis entre. Il lui lance un regard froid. Tiens, une revenante. Je suis désolée. Il semblerait que vous ne vous souveniez de mon existence que quand vous êtes malheureuse. Arthur attrape son chapeau. Il fait un soleil magnifique et j'ai l'impression d'être enfermé dans un sarcophage. Forêt, près de Londres, extérieur jour. Constance et Arthur traversent un cimetière ancien au milieu d'une forêt. Ma femme me méprise, je crois. Elle espérait sans doute que je deviendrais, je ne sais pas moi, un Oscar Wilde. Ils arrivent devant un petit ruisseau. Arthur s'assoit, enlève chaussures et chaussettes et plonge ses pieds dans le ruisseau. Vous devriez essayer, c'est divin. Constance s'assoit, remonte ses jupes, enlève ses chaussures et ses bas et glisse ses pieds nus dans l'eau. Alors ? Délicieux. Bureau d'Oscar, intérieur jour. Oscar est assis à son bureau et signe quelques billets sous l'œil de Constance. Ma chère Constance, ce n'est qu'en refusant de payer ses factures que l'on peut assurer sa survie dans la mémoire des classes commerçantes. Ne me parle pas par aphorisme. Ah, est-ce que tu préfères « je vis tellement au-dessus de mes revenus » qu'en vérité, nous menons, eux et moi, une existence entièrement séparée. Arrête, Oscar. Il hoche la tête, comprenant sans doute qu'une chose s'est brisée entre eux. Il se remet à signer. Accepterais-tu que je fasse publier certains morceaux choisis de ton œuvre ? Oui, oui, bien sûr. Tout ce que tu voudras. Arthur Humphreys me semble être l'éditeur parfait, non ? Qu'en penses-tu ? Arthur ? Très bonne idée, oui. Librairie Hatchard, intérieur soir. Constance marche le long des rayons de la librairie et caresse les livres. Tu vois, nous pourrions y mettre quelques aphorismes, des extraits de ses œuvres. Je suis sûre que le public aimerait et peut-être que ça redorerait son image. Je ne connais rien de plus sensuel qu'une belle femme qui caresse des livres tout en parlant littérature. Arthur ! Un homme n'a-t-il pas droit de complimenter une amie ? Constance se jette brusquement dans ses bras. C'est donc ça qu'on appelle un baiser amical. Si c'est le cas, je dois dire que je suis complètement fou des baisers amicaux. Non, attends. Arrête. Pardon. Ne joue pas avec moi, Constance. Tu sais ce que je ressens pour toi. Ne m'embrasse pas, si c'est pour me repousser. Bord d'un lac, extérieur jour, Constance se promène avec Lady Mountemple. Est-ce que je peux te confier un secret ? Bien sûr. Promets-moi de ne pas me juger trop durement. Je dois dire que ma curiosité est à son comble. Je crois que je suis amoureuse. C'est la plus belle nouvelle que tu pouvais m'annoncer. Quand divorces-tu ? Ah non, je ne compte pas. Ah, je vois. Eh bien, que veux-tu que je te dise, Constance ? Si tu souhaites vraiment ajouter du scandale au scandale, je ne peux plus rien pour toi. Librairie à Charles. Constance et Arthur sont assis de chaque côté du bureau. Des livres d'Oscar sont étalés sur la table. Constance, en feuillette 1, s'arrête sur une page et lit. Aujourd'hui, la plupart des gens se consument dans je ne sais quelle sagesse terre à terre et découvrent, quand il n'en est plus temps, que les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. C'est tellement vrai. Ou non, ou alors, le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. C'est d'y céder. Ils s'embrassent par-dessus la table. Tite Street, salon, intérieur jour. De grands coups sont frappés à la porte d'entrée. Constance se lève et va regarder par la fenêtre. Le marquis de Queensbury, le père de Bosie, se tient devant la porte. Les coups redoublent. Mais je vous assure qu'il n'est pas là. Eh bien, faites-le venir, sinon je fais un scandale dans la rue. Comment osez-vous vous présenter chez moi, sodomite ? Si vous osez remettre les pieds dans cette maison, je vous tuerai. Il me harcèle depuis des semaines. Bosie me pousse à porter plainte contre lui. Ne mêle pas la justice à ça. Tu as trop à perdre. Constance. Ah, oh, ma chère et douce Constance, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Il faut que tu m'aides. Peut-être que tu pourrais venir au théâtre avec Bosie et moi pour faire taire les rumeurs, prouver aux mauvaises langues que notre couple existe toujours, que Bosie n'est qu'un ami de la famille. Non. J'emmène les enfants au bord de la mer. Je ne peux pas prendre le risque que ce fou débarque à nouveau ici et nous menace. Oui, je comprends, mais... Non, Oscar. Ça y est, il est temps que je pense un peu à moi. Je vais proposer à Arthur de m'accompagner. Comme ça, nous pourrons avancer sur le livre. Tu n'y vois pas d'inconvénient, n'est-ce pas ? Non. J'essaye d'écouter des conseils de vivre plutôt que de me contenter d'exister. Cromer Plage, extérieur jour. Les enfants courent et jouent sous la surveillance de Charlotte, la gouvernante. Un peu en arrière, sous une ombrelle, Constance, vêtue de son costume de bain, marche à côté d'Arthur. Est-ce que je t'ai dit que je te trouvais sublimement belle ? 3 ou 4 fois, oui. Il lui prend le bras, elle lance un regard inquiet vers ses enfants qui jouent et retire rapidement son bras. Arthur n'insiste pas. Il s'approche de la mer. Arthur enlève ses chaussures, rejoint les enfants en poussant des cris de Sioux sous le regard charmé de Constance. Charlotte s'approche d'elle. Quand est-ce que Monsieur Wilde nous rejoint, madame ? Je ne sais pas exactement, Charlotte. Dans 2 semaines, je crois. Très bien, madame. Constance baisse la tête. Véranda intérieur soir, Arthur et Constance, assis côte à côte sur la balancelle, regardent le coucher du soleil. Les doigts d'Arthur serrent la main de Constance. Un bruit la fait sursauter, elle retire immédiatement sa main et se retourne. Charlotte est sur le seuil de la porte en train d'épousseter un tapis. Elle leur fait un sourire poli, mais les regarde avec insistance. Constance se lève. Je vais me coucher, Arthur. Bonne nuit. Bureau d'Oscar. Constance et Arthur travaillent dans le bureau d'Oscar. Constance prend des notes, recopie des passages, en raye certains, sous l'œil amoureux d'Arthur. Charlotte ? La gouvernante des enfants apparaît dans le couloir. Emmenez les garçons à la plage et n'oubliez pas leur chapeau. Le regard froid, Charlotte acquiesce, puis s'éloigne. Constance referme la porte du bureau. Je pense que nous avons suffisamment travaillé pour aujourd'hui, Arthur. Plus tard, assis à sa table, Constance, nue sous son kimono, regarde par la fenêtre de sa chambre et observe Arthur, vêtu d'une simple chemise, qui fume. Elle écrit une lettre. Les mains d'Arthur se posent sur ses épaules. « Qu'est-ce que tu écris ?» Il lit les premières phrases au-dessus de son épaule. Elle cache la lettre avec sa main. « J'ai pas fini. Attends. » Il la relève, l'embrasse dans le cou et ouvre son kimono. Un tout sautement les fait s'immobiliser. Il se tourne. C'est Oscar. Il les regarde, totalement désemparé. Cromer colline, extérieur jour. Constance et Oscar marchent en silence dans les collines. Les enfants sont devant avec Arthur et la gouvernante. Le couple regarde l'horizon. La tension entre eux est palpable. Comment vont les choses à Londres ? Le père de Bosie continue à m'empoisonner la vie. Ah, je suis désolée. Je ne sais pas si je pourrais éviter de lui faire un procès, ne serait-ce que pour le tenir éloigné de moi. Je vis une sorte de cauchemar, aussi pathétique qu'angoissant. Tu as bien fait de venir. Tu en es sûre ? Au loin, Arthur prend Cyril sur ses épaules. Viviane saute autour d'Arthur. Salle à manger intérieur soir. Assis à table devant son dessert, qu'il a à peine touché, Oscar, l'air amer, regarde Constance et Arthur rire et discuter. Il observe leurs gestes, la main d'Arthur qui frôle celle de Constance. Oscar se lève brusquement de table. Moi, je vais travailler. Bonne nuit. Bureau d'Oscar, intérieur matin. Oscar, assis à son bureau, les feuillets écrits par Constance à la main, peste contre Constance et Arthur, qui se tiennent devant lui comme deux élèves se faisant gronder par leur professeur. Vos choix de texte sont absolument ridicules. Non, vous avez manqué de goût, pour ne pas dire d'intelligence, mais j'imagine que vous aviez la tête à autre chose. Non, je réalise à présent que vous êtes incapable de vous confronter à une œuvre qui vous dépasse complètement. Bon, hé, Constance, je te prierai d'arrêter de ricaner comme une petite fille. Excuse-moi, Oscar. Non, rien, pardon. Quant à toi, Arthur, j'apprécierais assez que tu partes rejoindre ta femme et que tu me laisses me reposer avec ma famille. Arthur n'ira nulle part. Mais tu es parfaitement libre de repartir si la situation te déplaît. Personne ne te retient ici, Oscar. Véranda intérieur soir. Assise sur la balancelle, Constance regarde Arthur qui fait du cerf-volant avec les enfants. Charlotte sort de la maison une bouteille de whisky à la main. « Nous pouvons passer à table, madame. Monsieur Wilde ne souhaite pas dîner. »« Non, mais il n'a pas quitté son bureau de la journée, ce n'est pas raisonnable. »« Il m'a juste demandé de lui apporter ça, madame. » Elle montre la bouteille à Constance. « Je dois dire que ce n'est pas la première fois qu'il me la réclame aujourd'hui. » Constance se lève et se dirige vers le bureau d'Oscar. Elle frappe à la porte. « Oscar, ouvre-moi. »« Laisse-moi tranquille. »« Oscar, s'il te plaît. » On entend un déclic qui ressemble à celui d'une arme à feu. Paniquée, Constance ouvre la porte. Oscar, ivre, tient son revolver à la main. « Ça arrangerait tout le monde. Non, que je disparaisse. »« Non mais comment peux-tu dire ça ? Pense aux enfants. À moi. »« À toi ? » Mais il me semble que tu feras une parfaite veuve joyeuse. Tu n'as pas le droit de me faire le moindre reproche. Mais je le sais bien, Constance. Mes savoirs n'empêchent pas de souffrir. Il place brusquement le pistolet contre sa tempe. Non, Oscar. Le mystère de l'amour est plus grand que le mystère de la mort. Les yeux d'Oscar s'emplissent de larmes. Elle lui arrache le pistolet des mains et le jette à l'autre bout de la pièce. Arrête. Je ne t'appartiens plus, Oscar. Arrête. Mais tu es encore ma femme, non ? Mais non, si peu. Tout va bien ? Oscar se relève comme un fauve et se jette sur Arthur, le frappant au visage. Arthur vacille sous le choc du coup. Les deux hommes se battent. Constance tente de les séparer. Cyril et Viviane, attirés par le bruit, entrent à leur tour dans le bureau et regardent la scène effrayée. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Les deux hommes arrêtent de se battre en entendant sa voix. Constance prend ses fils par les épaules. Rien, rien, ils ne font rien, ils boxent. Ouais, nous boxons, c'est exactement ça. Nous boxons. Véranda, intérieur, jour. Assise sur la balancelle, Constance observe la dentelle de sa robe, celle qu'elle portait pour la première de l'éventail de Lady Windermere. Le fil avec lequel elle avait réparé la croix a jauni et se voit à nouveau. Arthur est assis à côté d'elle. Il a un beau cocard sous l'œil et fume en regardant le ciel. Oscar les rejoint, les traits tirés, mais rasés de près et très élégants. Il s'assoit dans une chaise à bascule à côté de la balancelle. Absolument désolé, Arthur. Je survivrai. Alors, j'ai écrit le plan d'une nouvelle pièce hier soir, après notre petite dispute. Vraiment ? Mm-hmm. C'est une histoire assez pathétique. Un homme qui trompe sa femme la pousse à l'imiter. Tiens. Mm-hmm. Puis alors, elle finit par prendre un amant, tombe amoureuse de lui, et quitte son mari. Et le pauvre bougre réalise qu'il a perdu l'amour de sa vie et se suicide. Comme c'est stupide de sa part. Maison Cromer entrée. Constance se tient avec Oscar et les enfants devant Arthur, qui, valise à la main, s'apprête à repartir. Au revoir, Arthur. Tu vas beaucoup nous manquer. Voyant leur tristesse muette, Oscar entraîne ses fils. Venez, les enfants. Constance et Oscar marchent sur la plage en se tenant par le bras. Le ciel est menaçant. Ouais, je ne voudrais surtout pas te juger, mais il me semble que tu aurais pu me tromper avec un homme plus beau. Mais il est très beau. Enfin, qui porte une moustache encore à notre époque ? Ah, et puis, alors, je ne voudrais pas te vexer, mais il m'a semblé qu'il y avait un peu de ventre, non ? Ah bon ? Mais pas toi, peut-être. Mais moi ? Je suis ton mari, ça n'a rien à voir. On choisit un mari pour ses qualités morales et intellectuelles, mais on choisit son amant pour ses qualités physiques. Sinon, à quoi bon s'embarrasser d'un tel fardeau ? Tu es bête. Il est gentil avec toi, au moins ? Très. Oh, tu as de la chance. Bozy est un odieux tyran qui ne sera heureux que le jour où je serai à terre. Quitte-le alors. Je n'y arrive pas. Je comprends. Vraiment ? Oui. À propos, Bozy doit me rejoindre dans quelques jours. Mais si tu préfères qu'il vienne après votre départ... Non, non. Une forte pluie se met à tomber. Il court se réfugier vers la maison. Calèche. Constance et les enfants sont installés dans une calèche, prêts à partir eux aussi. Constance, penchée à la fenêtre, se laisse embrasser sur la joue par Oscar. Au revoir, Constance. Elle sourit. Bozy se penche pour l'embrasser aussi. Elle se raidit. Je l'aime vraiment, vous savez. Nous avons donc un point commun. Prenez soin de mon mari, Bozy. Vous pouvez compter sur moi. Je l'espère. La calèche démarre. Constance lance un dernier coup d'œil aux deux hommes qui se tiennent côte à côte sur la véranda. Les yeux grands ouverts, regardant droit devant elle, Constance serre ses enfants contre elle et sourit. Sereine. Quelques mois plus tard, poussé par Bosy, Oscar Wilde portait plainte pour diffamation contre le marquis de Queensberry, qu'il avait publiquement traité de sodomite. Mais de plaignant, Oscar se retrouva accusé. Il fit 2 années de prison avec travaux forcés pour outrage aux bonnes mœurs. Ruiné, honni, Constance s'exila à Nice avec ses enfants, dut changer de nom et mourut quelques années plus tard. Elle ne divorça jamais, malgré les pressions exercées par sa famille. Elle garda une correspondance assidue avec Arthur Humphreys. Fin. C'était Madame Wilde, version radiophonique du scénario inédit de Claire Barré, Grand Prix Sopadin 2014 du meilleur scénariste. Avec Julie Gaillet, la narratrice et Constance, Xavier Gallet, Oscar Wilde, Youssouf Abiyayad, Arthur, Romain Pajard, Bosy, Maude Pougeoise, Lady Mountemple, Rémi Fortin, Roby. Et avec la collaboration de Claire Ingrid Cotenceau. Musique originale et violon, Éric Slabiak, piano, Vincent Forestier. Cette émission a été enregistrée en public le 18 juillet 2015 au Musée Calvé dans le cadre du Festival d'Avignon et en partenariat avec la SACD. Prise de son, montage et mixage, Jean-Michel Coqui, Bastien Varigaud. Sonorisation, Jean-Benoît Tétu. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Blandine Masson. Remerciements à Jean-Christophe Perrin, Guillaume Rialan, David Anéas, Chloé Mauduit et Virginie Noël. Remerciements aux équipes du Musée Calvet et à celles du Festival d'Avignon.